pour eux. Elle les attire vers elle. Dans l'ombre, c'est sa mère qui tire les ficelles. Elle danse, elle danse, elle danse, c'est sa seule délivrance. Elle danse, ils payent leur insouciance. Puis elle en choisit un et le ramène chez elle. Il pense qu'il a gagné, que la nuit sera belle. Mais une fois arrivée, la belle laisse place à la mer. Toute la nuit ne sera qu'un instrument pervers. Cette fille aux cheveux d'or, au matin dans les bois, on retrouve son corps.